boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. David, Eugène Edouard et ses potes des 16 Horsepower ouvrent ce 243e Pop and Rock. 243 Pop and Rock, c'est plus de 1800 titres joués. Et ce soir, je vous propose une promenade dans ces 1800 titres avec tout de suite le second. Ce sera Certain General qui est apparu dans mon univers musical il y a bien longtemps et dont j'ai perdu la trace. Heureusement, le 21e siècle nous permet de conserver intacts les souvenirs lointains. Was the river so low? Certains groupes qui datent du XXe siècle gardent un son très actuel, d'autres au contraire plus actuels cultivent un son très XXe siècle, voire très 70s, comme le Cheap Trick qui arrive à présent avec son Quit Waking Me Up. Where? Beaucoup de groupes qui connaissent un succès trop rapide font une balavoine. Vous savez, commencer comme des stars finies. Des Libertines à Oasis, les exemples sont multiples. Children of the Sun n'appartiendra jamais, je l'espère, à cette vague maudite. Et tant mieux. The feeling is strong. Peut-être que je le reconnaisse, dans Pop and Rock, on a peut-être un peu trop tendance à balancer de l'anglo-saxon. Mais soyons clairs, ce Richie est riche et vraiment très très bon. Cependant, la France est aussi origine d'un rock bon et fort, comme tout de suite avec le duo rock des Cliniques Rodéo. Soul. J'adore ce Holy Night tiré de leur dernier album, Les Nuits. C'était donc Clinic Rodeo. C'est noir, c'est froid, mais qu'est-ce que c'est bon, comme sûrement une de leurs inspirations qui arrive à présent. Ouais, quasi sûr que Bauhaus est une référence que Clinic Rodeo ne devrait pas renier. Bauhaus, groupe allemand des années 80, amoureux de Bowie, est capable d'en faire une reprise anthologique. Rappelez-vous. Good. special man than we were Ziggy's band. Ziggy really sang through the pies and screw down hairdo like a cat from Japan. He could look on by smiling, he could leave on to hand. Alors à présent, ceux qui me connaissent s'attendent à ce que je vous envoie un Raskolnikov ou encore un Sisters. Perdu, on tourne nos platines et on fonce vers un des nombreux groupes de filles que Pop and Rock adore. God Girl chante Sad Cowboy. Slipping my own, Good Girl, qu'avec Nida on a loupé en beauté alors qu'elles ont ébloui le Sonic sur Saône. Espérons qu'elles reviennent en terre Rhône-Alpine bientôt. Sinon, côté fille, Pop and Rock aime bien aussi le quatuor ricain de Warpaint. Et pour une fois, je ne vous envoie pas leur Billie Holiday. Chez les filles, on pourrait encore envoyer Vena Carmin, les Breeders, Sophie Hunger ou encore Agnès Obel, ou le duo Sleater Kinney. Mais non, ce soir, je pense à Nida. dans Pop and Rock, c'est comme dans l'école du 20e siècle, on a nos petits chouchous. Oh, oh, oh, dis donc, tu vas leur donner des images aussi? Ça suffit, la voix off. Entre 17h et 18h au 104.6 de RVR, la très locale, notre programmateur ne vous envoie que ses chouchous. Thank you. but you didn't, and that's why I love you, I love you. I feel pain in your love, love, love, baby, tonight, tonight, we gotta give it a try, both right and right, there's a sheep in the dark, baby, baby, baby, we wanna leave the world behind with the killers and their bats. Already got the one with a snake on his shoulders. You've taken it up, given to me, and you're gone. I took a picture of you and went back home. Animal Triste, les Parigo Bobo reviennent une troisième fois avec un troisième titre tiré de leur dernier album à consommer sans modération. Take off your coat of ashes, of my matches. There's no time to waste. Animal Triste, on vient de se faire un morceau que j'adore, Mary Full of Grace. Écoutez l'album, vraiment, il est très très bon. À présent, on va revenir en France, ou du moins rester en France, avec André Fernandez, qui nous chante son Never Let You Go, issu de son dernier album, un morceau très psychédélique que je n'arrive pas à détester. préparer un pop and rock, c'est plein de plaisir, plein de passion et évidemment, comme dirait la voix off, c'est vous présenter tous mes chouchous, ils sont nombreux. Ce soir, vous n'en avez eu qu'un rapide aperçu parmi les 1800 titres que je vous ai proposés depuis la naissance de pop and rock. Et à présent, rendons-nous dans une contrée pas très lointaine, des rockers pas très sauvages nous envoient des mélopées pas trop mauvaises pour nous faire un immense bien. Martin De Volder et J. Bernhardt se retrouvent régulièrement pour notre plus grand bonheur et pour les fans de Balthazar, ouvrez les oreilles. Sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et surtout, bis à tous. Forsaken light. I guess we've been right just long enough. Nothing but chewing on those strings of love. Yeah. While the moon slips out the door, keep asking back for more. It's what we came here for. If she won't see us ever. Sincere in style. Yeah. While the moon slips out the door, keep asking back for more. It's what we came here for. If she won't see us anymore, then what will we sing? What is it we'll shout out for? We'll pour it just up. And style. Oh. While the moon slips out the door, keep asking back for more. It's what we came.